Jacques Niclou, La petite poule blanche. Lu par Sabine pour audiocité.net avec l'aimable autorisation de l'auteur. Note de l'auteur. Cette courte histoire, je l'ai racontée des dizaines de fois, si pas plus, à mes enfants et petits-enfants. J'éprouvais un réel plaisir à les voir s'émerveiller et dire « Encore !» Si vous avez dans votre famille des enfants en bas âge, retenez l'histoire et racontez-leur, vous jugerez de l'effet. Un jour, maman poule dit à la petite poule blanche « Je dois faire des courses. Pendant que je ne suis pas là, je te défends de sortir du poulailler. » « Oui, maman, je te promets d'être sage. » Une demi-heure plus tard, une poule noire arrive et dit « Viens jouer avec moi, on va bien s'amuser. » « Je ne peux pas sortir, maman ne veut pas. » « Viens, ta maman ne saura rien. » La petite poule blanche ouvre la barrière et part avec la poule noire. Elles arrivent dans un bois et s'amusent à monter dans les arbres. Soudain, patatras, la petite poule blanche tombe et se casse une patte. Pimpon, pimpon. L'ambulance arrive en même temps que la maman. Tu vois ce qui arrive quand on désobéit. Je ne désobéirai plus, maman, je te le promets. Viens dans mes bras, ma chérie, que je te donne un gros bisou. Je t'aime. N'oubliez surtout pas d'embrasser votre enfant ou petit enfant.